Avant minuit ou sous un soleil éclatant. ton œil un sage dit, piano, rhum, cuivré et regret, sur un lointain reggae maudit, où les yeux dans les yeux tout près, je passerai la main comme ça, dans tes cheveux, sur ton visage, pour dire qu'au plus profond de moi, je t'aime au-delà des usages. Thank you.